notre force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à un parent. Ton fils t'a fait beaucoup de soucis ces derniers temps. Je te demande de ne pas te décourager. Il faut continuer de prier parce que l'ennemi a ciblé ton fils. Il veut te faire du mal. Lorsque le diable et ses agents n'arrivent pas à toucher aux parents, maintenant ils s'attaquent à leurs enfants. Il faut mettre tes enfants dans la prière et le Seigneur va le préserver. Le Seigneur est capable de se révéler. Ils vont le connaître. Continue à fléchir les genoux dans le jeûne et dans la prière et le Seigneur va te manifester. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, Opération sous la brèche. Nous allons lire Apocalypse 2, 12 à 17. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Notre passage d'aujourd'hui, c'est Apocalypse 2, 12 à 17. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à leur doctrine, attachés à la doctrine de Balaam, qui a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Nous allons partager quatre grandes vérités tirées de ce passage. La première vérité concerne la révélation de Jésus-Christ. Jésus se présente ici comme celui qui a l'épée aiguë. Au verset 12, il est dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame, « Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë, à deux tranchants. » L'épée aiguë ici, c'est la parole de Dieu. Oui, l'épître aux Hébreux dit que la parole de Dieu est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, capable de séparer âme et esprit, jointure et moelle. Dans l'épître aux Éphésiens, la parole de Dieu est mentionnée comme étant l'épée de l'esprit, l'une des armes dont les chrétiens doivent se servir pour combattre les diables. Et ici, Jésus-Christ se présente comme celui qui a l'épée. Il est lui-même la parole puissante, la parole vivante. Avec cette épée, il combat les ennemis, il combat les puissances sataniques, il met en déroute l'ennemi. Mais aussi avec cette épée, il peut juger le péché. Faisons attention. Oui, tu ne dois pas avoir peur. Parce que celui qui a l'épée aiguë, il combat en ta faveur. Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième vérité, c'est l'état de l'église de Pergame. Pergame était une ville impériale où se trouvait le trône de l'empereur romain. Et ici, et au premier siècle, les empereurs romains étaient considérés comme des instruments entre les mains de Satan, en ce sens qu'ils persécutaient l'Église, ils persécutaient les chrétiens et eux-mêmes se faisaient adorer. Donc, c'est pourquoi, là où il y avait le trône de l'empereur, c'est là où on dit qu'il y avait le trône de Satan, c'est-à-dire qu'ils incarnaient maintenant la puissance satanique par ce qu'ils faisaient. Vous voyez ? C'est pourquoi ici, il est dit, au verset 13, « Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. » Ça veut dire que l'Église peut évoluer même dans un milieu qui est hostile. L'Église peut jouer son rôle, même si le pouvoir qui est là, c'est un pouvoir que le diable utilise ou qui n'est pas peut-être favorable, mais l'Église peut jouer son rôle de celle de la terre et de lumière du monde. C'est une réalité. Il dit, je sais que là où tu demeures, c'est-à-dire dans la ville de Pergame, il y avait le trône de Satan. Deuxième chose, l'Église de Pergame n'a pas régné la foi dans un contexte de tribulation, de persécution, dans un contexte où les pouvoirs romains persécutaient les chrétiens et les mettaient à mort. Mais ils sont demeurés fidèles. C'est pourquoi il est dit ici, au verset 13, « Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui était mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. » Il peut t'arriver que l'Église ou les chrétiens soient persécutés. Mais malgré cela, le chrétien doit rester fidèle. C'est une attitude positive. J'encourage ceux-là qui vivent peut-être dans des pays où le christianisme, où le pouvoir est hostile au christianisme. Oui, ceux-là peut-être qui se cachent dans la prière, qui se cachent pour lire la Bible, qui se cachent pour faire des cultes dans des maisons. Oh, que le Seigneur vous fortifie là où vous êtes. Oui, continuez à vous accrocher au Seigneur et à demeurer fidèle. Ne régnez pas votre Seigneur parce que vous êtes persécuté. Suivez l'exemple de l'Église de Pergame. Troisième vérité concerne des reproches que le Seigneur fait à l'Église de Pergame. Et ce même reproche, le Seigneur nous fait encore aujourd'hui. Il y a deux choses qui lui sont reprochées. Il y avait des gens attaché à la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, c'est une doctrine qui incitait les gens à l'idolâtrie en mangeant les viandes sacrifiées aux idoles et à l'impudicité. Vous voyez, il est dit au verset 14, « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. » Nous savons l'histoire de Balaam et de Balak dans l'Ancien Testament, dans Nombre 22, 23, 24. Balak, roi de Moab, a fait venir Balaam pour maudire Israël. Mais Balaam, c'est devenu, a compris qu'il ne pouvait pas maudire celui que Dieu a béni. Il a changé de stratégie. Il fallait maintenant pousser Israël à rester, à être infidèle à Dieu en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles, alors que Dieu répugne l'idolâtrie, et en incitant les enfants d'Israël à commettre l'impudicité. À ce moment-là, la malédiction divine allait maintenant s'abattre contre eux. Vous voyez, toute doctrine qui incite les gens à faire des pratiques mystiques, pratiques idolâtres. Oh, il faut prier à 1h du matin, il faut prier à minuit, il faut, je ne sais pas, qu'on te lave avec tel, il faut prier avec des bougies, il faut, je ne sais pas, prier avec tel liquide. Ce sont des choses, des pratiques mystiques. Toutes les doctrines qui incitent les gens à l'immoralité sexuelle, en disant tu peux avoir l'onction et tu couches avec des hommes, tu couches avec des femmes, c'est une doctrine diabolique, c'est la doctrine de Balaam. Et la deuxième chose que l'on reproche à l'église de Pergame, des gens qui étaient attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Nous avons déjà vu cette secte-là existait. C'est une secte qui mettait l'accent sur l'enseignement de la grâce. Mais elle tordait l'enseignement de la grâce. Pour les adeptes de cette secte, la grâce était synonyme de libertinage. On est dans la grâce, il n'y a plus de condamnation, on peut se livrer dans la débauche, vous voyez. Ils ont perverti l'enseignement de la grâce. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de gens qui continuent à parler de la grâce de Dieu. Mais ils parlent d'une grâce qui n'est pas biblique. La grâce de Dieu ne signifie pas qu'on doit se livrer au péché. Celui qui comprend la grâce de Dieu ne doit pas demeurer dans le péché, comme nous dit Romains chapitre 6. Mais la grâce de Dieu doit nous libérer du péché. Parce que je comprends que Jésus est mort sur la croix de Golgotha à cause de mes péchés. Je ne peux plus me complaire dans le péché. L'enseignement des Nicolaïtes, cette secte-là, insistait sur la grâce de Dieu. Ils ont changé la grâce de Dieu en dissolution. Aujourd'hui encore, dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui enseignent des fausses doctrines. Il y a des faux pasteurs, de faux prophètes, de faux serviteurs de Dieu qui parlent de la grâce de Dieu, mais qui encouragent les gens à vivre dans l'immoralité sexuelle, qui encouragent les gens à l'infidélité conjugale, qui encouragent les gens même à divorcer. Mais ils continuent à servir dans l'église, bien-aimés dans le Seigneur. Faisons attention à ces choses-là. Et qu'est-ce que Dieu demande ? Il demande la repentance. Lorsque nous nous rendons compte que dans nos églises, il y a des gens qui pratiquent des choses mystiques, des gens qui votent dans l'immoralité, qui portent même des titres, qui sont trésoriers, qui sont anciens, qui sont diacres, et on tolère ces choses-là, le Seigneur n'est pas d'accord avec nous. Il dit, nous devons nous repentir. Lorsqu'il y a des gens qui pratiquent le mysticisme et qui viennent à l'église, les gens qui donnent des faux enseignements pour égarer le peuple, nous devrons être tristes et demander pardon au Seigneur de manière collective. Il dit au verset 16, « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Aujourd'hui, l'Église a besoin de repentance. Nous avons besoin de nous repentir pour que la colère de Dieu ne s'abatte pas contre nous, parce que nous ne jouons pas notre rôle de sel de la terre et de lumière du monde. Quatrième vérité, c'est la promesse que Dieu fait au vainqueur. Il dit, à celui qui vaincra, il promet deux choses. Il dit, je lui donnerai la manne cachée. La manne nous rappelle ce que Dieu a donné aux enfants d'Israël dans le désert. Et Jésus a dit que lui, il est le pain de vie. Il est plus que la manne. C'est lui le pain vivant descendu du ciel qui nous communique la vie. En Christ, nous avons la vie. Il est la manne cachée. Cette manne qui symbolise la nourriture spirituelle qui nous donne la vie. Si tu es vainqueur, tu vas bénéficier de cette manne spirituelle. Cette manne qui donne la vie. Deuxièmement, il dit, celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc avec un nom nouveau. Dans les républiques anciennes, chaque citoyen prenait un caillou blanc pour mettre le nom du citoyen qu'il voulait, pour occuper certaines charges publiques. Donc c'était le symbole de l'élection. Alors, le Seigneur promet de nous donner un caillou blanc, d'écrire nos noms. Cela veut dire que c'est un symbole de l'élection, pour montrer que tu es un élu de Dieu. Il t'a élu depuis la fondation du monde. Et le fait de te donner un nom nouveau montre que le Seigneur va te couronner. Aujourd'hui, lorsque les gens reçoivent des prix, on parle de ballons d'or, on parle de prix Nobel. Mais ce que nous allons recevoir au ciel, ce sera plus que ballons d'or, plus que prix Nobel. Un nom nouveau, un nom qui montre que le Seigneur va nous couronner, va nous élever. Alléluia. Je voudrais que nous puissions le louer en chantant ces cantiques. La place. s'établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens, Jésus, prends la place du roi. Gloire au Seigneur, notre Dieu est bon, il est merveilleux. Je voudrais que nous puissions ensemble le louer pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait pour nous. Nous te bénissons, éternel notre Dieu, toi le Dieu juste, que l'honneur te revienne. Notre Père, oh, sois béni pour Jésus que tu nous as donné afin que nous soyons sauvés. Oh, sois béni Jésus, toi la manne cachée, toi la parole faite chair. Nous bénissons ton nom, toi le pain de vie, toi le juste juge. Que l'honneur te revienne, toi le Dieu qui soutient notre foi. Oh, que l'honneur te revienne, notre Seigneur, notre Dieu, toi le Dieu qui nous soutient dans la tribulation et qui nous donne la foi nécessaire afin que nous puissions tenir ferme. Nous te bénissons pour la grâce que tu nous as manifestée et merci pour les promesses que tu nous donnes. Merci, toi qui nous donnes un nom nouveau. Nous te bénissons et nous te glorifions. Merci notre Seigneur, notre Dieu. Toi le Dieu de gloire, toi le Dieu victorieux qui nous rend vainqueurs. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à l'émission OSB, Opération sous la brèche. Notre passage d'aujourd'hui, c'est Apocalypse 2, 12 à 17. Nous venons de voir dans ce passage que l'Église peut évoluer dans un environnement hostile. Là où il y a le trône de Satan. Oui, peut-être que là où tu vis, il y a un trône de Satan qui se manifeste par les pratiques du mysticisme, le pouvoir mystique. Peut-être que dans ton village, il y a un trône de Satan. Il y a des autels qu'on a élevés pour sacrifier des gens. Peut-être que dans ta famille, il y a un trône de Satan. Tu vas prier le Seigneur pour que ce trône spirituel que Satan a établi soit renversé. Mais tu vas prier pour que, malgré tout ce qui se passe, qu'en tant que chrétien, même si tu es dans une famille où on pratique la sorcellerie, que tu continues à vivre ta foi, que tu continues à briller au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. Oh, espère. Amen. Nous venons de voir que nous ne devons pas renier notre foi. Quelles que soient les tribulations, nous pouvons vivre dans un environnement hostile. Peut-être que tu travailles dans une société où tes patrons ne sont pas favorables à toi parce que tu confesses Jésus. Mais tu vas prier le Seigneur pour qu'il t'aide à persévérer, à ne pas renier la foi. Peut-être qu'on te fait des avances, on te demande de te compromettre. Prie le Seigneur pour qu'il te soutienne et qu'il soutienne tous les chrétiens qui œuvrent dans un tel environnement. Prions le Seigneur. Merci ce matin pour ta parole. Merci notre Dieu, parce que sans toi nous ne sommes rien. Nous n'avons que toi, le véritable, le Saint des Saints, le Seigneur, le fidèle. C'est pourquoi ta parole dit, et nous citons, qui nous séparera de l'amour de Christ, sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Car j'ai l'assurance que ni la mort, alléluia, ni la vie, ni les anges, amen, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans Jésus-Christ notre Seigneur. Gloire à toi, parce que c'est vers toi nos yeux sont levés, nos mains sont levées et nous nous remettons en tes mains. Donne-nous la force, donne-nous le courage, la persévérance à toujours demeurer ferme, car sans toi nous ne sommes rien. Au nom de Jésus, nous avons prié ce matin. Amen. Amen. Nous allons prier contre l'esprit de fausse doctrine, l'esprit de doctrine de Balaam, de Nicolaïte, l'esprit d'idolâtrie, l'esprit d'impudicité qui s'est infiltré dans nos églises aujourd'hui. Et que tous ceux qui vivent dans ces choses-là puissent être amenés à la repentance. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Tu es saint, tu es saint, saint des saints est ton nom. Jésus de Nazareth, tu es un Dieu qui hait le péché, mais tu aimes le pécheur qui se repent. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4:7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, mais à la sanctification. Seigneur, nous savons que tu rejettes, Seigneur, l'esprit de Balaam, l'esprit de Nicolaïte. Tu rejettes l'idolâtrie, l'impudicité, la fornication. Tu rejettes tous ceux qui pratiquent les vices. Tu rejettes tous ceux qui mijotent un péché quelconque. Père, ce matin, nous prions que tu amènes ces âmes à la repentance. Tu amènes ces frères et ces sœurs à quitter ces fléaux, à quitter ces vices, à quitter ces projets macabres. Papa, nous te demandons pardon. Prends pitié. Répands ton esprit afin que tes enfants retournent à toi. Car il est écrit que ce que Dieu veut, c'est que vous obteniez de l'impudicité. Seigneur, merci de sanctifier, de purifier, de laver tes enfants pour que nous puissions aller à un prochain niveau de rencontre avec toi, de consécration, de sainteté avec toi. Sanctifie, aide, libère-nous de tous ces esprits, de tous ces vices. Libère quelqu'un, guéris quelqu'un et que Père, les yeux fixés vers toi, tu nous donnes la force de pouvoir triompher des œuvres de la chair, les œuvres de l'impudicité et de toutes ces choses. Merci d'opérer ta délivrance à nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons rappeler notre grande rencontre Bonheur conjugal des célibataires pour ce dimanche 24 à partir de 16h. Mais sachez que les tickets pour les dîners gala Bonheur conjugal sont déjà disponibles. Ce dîner aura lieu le 29, vendredi 29 à l'hôtel Bellecote à partir de 18h30. Que Dieu vous bénisse. À demain. Faisons monter, monter notre adoration.